je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes, surtout si elles sont diverses et variées. Alors voilà, c'est la première, tout ça est encore un petit peu fragile, un petit peu artisanal, on ne vous cachera pas qu'on s'est fait un petit peu peur sur la disponibilité du matériel dans les minutes qui ont précédé le podcast, mais finalement tout est en place, notre invité est là, un invité qu'on a grand plaisir à avoir pour notre première, dont on suit les travaux depuis un certain temps. Mais avant de le présenter, parce qu'on est extrêmement mal poli, on va commencer par se présenter nous. Vous savez que le podcast s'appelle Ludologie. Mon comparse, que vous avez entendu juste avant moi, s'appelle Adrien Bibard. Voilà, il est journaliste et moi-même, qui suis un petit peu journaliste aussi, je m'appelle Manuel Bédouet. On s'intéresse aux jeux tous les deux, aux jeux de société, aux jeux vidéo, aux jeux de rôle depuis un certain nombre d'années. Et puis on a décidé qu'il était temps de pousser nos réflexions et nos questions au-delà de la simple discussion autour d'une bière. On a décidé qu'on allait rajouter des micros et qu'on allait partager ça avec vous, parce que d'autres l'ont fait avant, qu'on trouvait que c'était très intéressant, mais il nous manquait encore un peu des petites choses. Voilà, on va assez parler de nous, on va se concentrer tout de suite sur le sujet du jour, sur notre invité. On va commencer par vous présenter l'invité, et puis après je pense qu'on s'attardera un petit peu sur le sujet du jour, n'est-ce pas Adrien ? Tout à fait. Alors donc pour cette première, Aymeric Lenné, donc coordinateur de 3Hit Combo, mais je vais peut-être vous laisser présenter... qui vous êtes et qu'est-ce que c'est 3Hit Combo pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Tout à fait. Salut à tous. Donc, moi, effectivement, je travaille aujourd'hui pour l'association 3Hit Combo que j'ai créée avec une petite équipe de potes il y a un bout de temps et qui a fait au fil du temps un bout de chemin, entre autres, à initier le festival Stunfest à Rennes, qui, d'un tournoi de jeux de combat, est devenu un festival des cultures vidéoludiques. Et je crois que rien que ce mot-là pèse son poids en termes de sens, on reviendra dessus. Et au-delà de l'association 3Hit Combo, j'ai une casquette d'intervenant dans le domaine des nouvelles technologies et de la formation, formation, éducation, à travers l'usage créatif des nouvelles technologies. Et pour moi, créativité rime avec jeu et inversement. Donc le jeu irrigue mes pratiques de boulot côté association, puisque 3Hit Combo, c'est une asso qui s'intéresse aux jeux vidéo, en particulier à Rennes, et qu'on définit aujourd'hui comme l'envie d'utiliser, de développer, promouvoir le jeu vidéo comme source de lien social et de créativité. Voilà. Alors, on a parlé de jeux, on a parlé de culture vidéoludique, ça tombe assez bien parce que notre thème du jour, notre sujet du jour, c'est quoi un jeu ? On sait bien qu'on commence pas par une question simple, facile, à laquelle on peut juste demander une réponse comme ça du tac au tac, mais je crois savoir que vous avez un peu creusé la question. Alors, est-ce que vous avez un début peut-être de réponse ? Je pense pas qu'il s'agisse d'une intuition, parce que à mon avis c'est déjà un petit peu renseigné tout ça, mais est-ce que vous auriez en tout cas une première approche, une première définition sur laquelle on va pouvoir commencer à réfléchir, à élaborer ? On peut effectivement faire une première approche en regardant, peut-être en rembobinant un petit peu en arrière et en regardant ce qui a été écrit sur la question pour définir ce qu'est un jeu. En tout premier lieu, c'est distinguer le jeu en tant qu'objet et le jeu en tant qu'activité. Là, je vais plus parler du jeu en tant qu'activité qui, de fait, va devoir utiliser parfois des objets pour se dérouler. Et ce qu'on arrive à déterminer en anglais par les idées du game et du play et qu'on a du mal à scinder en France, c'est ça ? Ouais, c'est même pas que ça, parce que le game et le play, il y a les notions en fait de jeu, on va dire dans le play, c'est le jeu au sens activité, effectivement, au sens, on va parler de gameplay, l'action. De fun, l'action de jouer, et le game, effectivement, c'est le jeu, mais pas tant en tant qu'objet tangible, mais en tant que mécanique de jeu. La règle qui régit le jeu. Et l'objet, il existe ou pas, puisque si on parle du jeu de rôle, notamment, ou du jeu de simulation, plus généralement, il n'y a pas forcément d'objet tangible qui soit nécessaire. Mmh. On est dans l'imaginaire. Et ça, donc, en revanche, sur le jeu en tant qu'activité, l'imaginaire est sûrement une des premières choses qui définit, puisque le jeu, d'après, je reviens donc à cet auteur, Kaiwa, qui a écrit sur, un essai sur le jeu dans les années 50, et qui définit le jeu comme une activité avant tout non réglée, libre, enfin, pas non, pas, autant pour moi, pas non réglé, j'ai fait un petit travers, comme une activité libre, au sens où on y adhère librement, on n'y entre pas par la contrainte. Et ça, c'est important, ça le distingue, c'est notamment ça qui le distingue du travail, aussi du fait que c'est une activité non productive. Alors, on s'entend bien, le jeu peut produire du plaisir, de l'engouement, du stress peut produire plein de choses. Mais du savoir même parfois. Bien sûr, mais pas de la production au sens du travail, une production attendue, production économique, matérielle. Voilà. Et ça, je pourrais dire que c'est la base, définir dans, au sein d'une activité libre, non productive, un imaginaire, donc un contexte de jeu qui va être régi par plus ou moins de règles et qui dit on rentre dans une phase de jeu, donc en un espace et un temps de jeu qui est tacitement accepté par les participants du jeu et qui peut-être, vu de l'extérieur, pour celui qui ne joue pas, n'est pas un jeu. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat tout de suite, mais une activité libre, non réglée, sans conséquence, on décrit quand même un truc de gauchiste un peu là-dedans, non? Oui, si tu le mets en opposition au travail, oui, ça peut être une lecture, pourquoi pas. Alors, c'est vrai qu'à côté, il y a la question de la contrainte de la règle, qui, je crois, alors peut-être pas dans tous les jeux, il me semble qu'il y a une catégorisation sur laquelle on va pouvoir revenir, mais la question de la contrainte de la règle est présente dans beaucoup de jeux, et c'est quelque part aussi... il me semble quelque chose de constitutif d'une grande catégorie des jeux, non ? Oui, complètement, oui, bien sûr, la règle est importante. Or, Kaiwa, dans sa définition des jeux, il entend parmi... il définit un tableau à double entrée, on va pas forcément rentrer dans les... Dans tous les détails. Justement, c'est le but de ce podcast. Moi, j'ai mes fiches. Et les premiers types de jeux, c'est le principe de vertige. C'est l'enfant qui fait une galipette, qui fait de la balançoire. C'est le fait de faire une glissade. C'est de l'ordre du jeu. Et là, il n'y a pas spécialement de règles. On est dans le plaisir du vertige et c'est déjà du jeu. Kaiwa liste d'ailleurs dans les jeux alors ces principes de jeu de vertige et pour positionner aussi d'autres éléments auxquels on n'aurait pas pensé. Il cite tout ce qui est jeu de hasard, mais aussi le jeu théâtral, etc., etc. Donc toutes ces formes de jeux qui offrent un large panel. Et en fait, dès lors qu'on parle du jeu réglé, et tout de suite on va penser à peut-être un jeu avec un plateau, des pions, des règles, chacun son tour, on est déjà rentré assez loin, enfin dans une forme très construite et très très définie de jeu. Oui. Alors justement, là on attaque un point qui est intéressant, c'est que certes il y a les jeux, donc on a parlé de règles, mais il y a aussi donc l'aléa, parce que le hasard en fait. Et justement, comment on fait un jeu pour régler le hasard? C'est une vraie question que je me pose. Pour régler le hasard, c'est-à-dire pour mettre la bonne dose de hasard pour que ce soit plaisant et non frustrant, parce que si c'est un hasard absolu, on ne retrouve plus de constante et tout à coup ça devient... Oui, parce que c'est la fin. Justement, l'incertain est aussi une condition sine qua non du jeu, et en même temps, trop, c'est juste l'anarchie, c'est la... Parce que, donc Kaiwa, au terme technique, c'est la paedaya qui dit. C'est ça. Exactement. Et justement, qu'est-ce qui distingue cette anarchie du ludique qui est réglé? Est-ce que c'est une bonne réponse que je vais amener? Mais pour moi, c'est un savant dosage. C'est un peu, une recette de cuisine que faire un jeu. Et si on parle du degré de hasard acceptable pour que ça ne devienne pas frustrant et que ça reste du plaisir, je jette un dé. Si j'avais un dé, je le jette sur la table. Je sais que le résultat va être voué au hasard, mais il va quand même être compris entre 1 et 6. Et peut-être le dé va être cassé, donc je le relance. Mais le hasard est acceptable parce que je sais entre quoi et quoi il se situe. Et donc je vais tolérer ce résultat. Quand un game designer crée un jeu et crée les règles qu'il fait autour, il y a forcément un certain nombre d'essais, de tests qui vont être faits du jeu pour voir quelle va être cette zone acceptable et de là produire du fun. Du fun, c'est-à-dire cette dose de plaisir qui est là parce que y a un peu de frustration quand même, je perds, j'arrive pas à faire un 6 avec mon dé, mais si je relance, je vais peut-être y arriver et c'est ça qui est fun. Et la théorie du fun existe bel et bien, a été écrite, détaillée, donc on l'a théorisé, de là à vous donner une règle qui régit la chose. Alors en même temps, pas je pense que si vous aviez la règle absolue, vous auriez fait des jeux qui cartonnent et puis vous seriez riche à millions et vous embêteriez pas à venir participer dans des podcasts gratuitement. mais en l'occurrence, pour revenir sur les prémices de la réponse, l'idée que on est dans une activité librement consentie dans un espace quelque part sans conséquence, ça me donne l'impression que le jeu finalement se définit avant tout au-delà de l'activité par l'intention du joueur. Tout à fait. Ah oui, certainement l'intention du joueur, c'est-à-dire activité libre, on y entre librement ou tout du moins on la produit librement et bien sûr le jeu, c'est là qu'il est bon de revenir aux formes les plus simples du jeu. Kaiwa dans ses exemples va citer le... on va pas parler que de Kaiwa tout du long hein, parce que d'autres ont écrit entre temps, mais c'est bien de revenir aux formes simples du jeu où des enfants s'emparent de brindilles et de cailloux et commencent à jouer sur un coin de trottoir. Le temps de ce jeu, ces brindilles et ces cailloux vont représenter des animaux, des barrières peut-être. Et ils s'en vont, ils partent en courant, les objets redeviennent inertes, des cailloux, des brindilles. Et tout ça n'a existé que pendant un petit temps, espace, parce que un enfant ou plusieurs ont un a initié peut-être, et d'autres l'ont rejoint, et ils ont accepté les règles du jeu. Ces règles de base, c'était ce caillou, c'est un mouton, j'en sais rien, etc. Ça pose une question qui, on aura sans doute un autre podcast pour y réfléchir, mais on peut commencer dès maintenant. C'est la question de la triche, quand quelqu'un ne respecte pas les règles. Alors des fois c'est amusant qu'il y ait de la triche, on voit bien certains qui se jouent des règles. Justement, jusqu'où c'est un jeu? Quelle est la limite entre le hors-jeu et le jeu? Ah, alors dans les c'est une, je suis c'est une dur en question. Ouais. Mais dans le jeu libre au sens le jeu qui est provoqué et qui va convoquer quelques personnes, enfin on le voit plus chez les enfants justement, enfin c'est toujours bon de se tourner vers les pratiques des enfants qui vont le temps d'une récréation provoquer un jeu qui n'existait peut-être pas à la récréation précédente, et puis les règles se construisent en quelques minutes parce que voilà, on voit qu'un tel fait comme ci, fait comme ça, il y en a peut-être un qui dit plus fort que les autres quelles sont les règles et on les accepte. On constate régulièrement qu'il y a des entraves à la règle. Ouais, parce que la règle n'est pas vraiment clairement défini. Combien de fois des enfants qui jouent, je sais pas moi, au gendarme et au voleur, on va prendre un peu des classiques, on arrive assez rapidement à un point de crise où le voleur dit mais non, tu ne m'as jamais attrapé, et puis tu m'as pas eu avec ton pistolet parce que je t'ai esquivé, l'autre dit mais non, c'est pas possible. Et moi qui ai un gros passé de rôliste, je crois que les rôlistes essayent de faire la même chose avec, en mettant des règles pour éviter ce genre de discussion. Je suis pas certain qu'ils y arrivent systématiquement, mais en tout cas l'intention est là de pouvoir jouer aux gendarmes et aux voleurs sans finir par se fâcher tout rouge et se rouler par terre à la fin. Exactement, donc il peut y avoir le point de crise où effectivement on a dépassé les bornes, il y a une certaine tolérance et à un moment donné où plus rien n'est contrôlable, c'est la crise. Alors soit on se tape dessus parce qu'on n'est pas raisonnable, soit on a prévu que les règles que l'on a définies pouvaient amener à une situation de crise, et cette situation, on y a mis une règle pour dire à ce moment-là, alors on va peut-être régler le différend en jouant pile ou face, et on remet le différend au hasard parce qu'on n'a pas pu contrôler ce qui s'est passé ailleurs, ce qui s'est passé auparavant, peut-être. Et on a déjà fait une boucle avec la question d'Adrien. Oui, non, mais en fait, non, c'est ce que ça me fait penser tout simplement à ce truc très classique du jeu de rôle, et je dis ça juste en voyant de loin, j'ai jamais fait de vrai jeu de rôle, c'est le fameux TGCM, le Tais-toi, c'est magique. Ah non, c'est pas Tais-toi, Tais-toi, sinon ce serait TTCM. Oui, mais je reste poli. C'est vrai, on s'en fout, on est sur Internet. Oh oui, bon, quand même, donc voilà, c'est le ta gueule, c'est magique. Je le connaissais pas, mais que ce soit le pile ou face pour régler un différend, ou le tais-toi c'est magique, ou ta gueule c'est magique, c'est des choses que le jeu permet, on se permet de faire ça parce que c'est un jeu. Si on était en train de justement d'une relation de travail ou d'une relation dite sérieuse, hors jeu, non, on va s'en remettre à des critères un peu plus cartésiens pour régler un différend, parce que sinon ce serait... l'anarchie. Alors ça pose la question justement entre les... Pardon, excuse-moi, la gauche, Manu. L'anarchie, de gauchiste encore. Ça pose la question en fait de la professionnalisation du jeu. en fait. À partir de quand le jeu n'en est plus un Alors, on connaît bien le phénomène des pro-gamers en ce moment, notamment sur du League of Legends ou enfin en e-sport en règle générale, du League of Legends, du StarCraft. On l'a vu à d'autres époques sur d'autres jeux. Alors, c'est moins le cas en jeu de société, mais ça l'est encore effectivement en échecs ou en poker. Je pense qu'on s'attardera un petit peu plus tard sur la question des jeux d'argent de façon générale, de toute manière. Mais effectivement, est-ce qu'un pro-gamer, c'est encore un joueur ? Si je vais chercher ce bon vieux Roger, il va nous dire que oui, que le sport est une des déclinaisons du jeu. Tant que c'est le jeu juste pour jouer, ça va. Dès lors que ça devient un moyen de gagner sa vie, est-ce qu'on peut estimer que ça devient une activité productive ? Et voilà, c'est la question qui se pose pour le pro-gamer. C'est que le pro-gamer en tire un revenu. C'est-à-dire c'est une extension. C'est-à-dire qu'on crée une activité productive et potentiellement rémunératrice à partir de quelque chose qui reste un jeu. Et le temps du jeu, dans sa logique de règles, reste ce qu'il est. Je ne crois pas que ça dénature la chose. Après, le contexte du pro-gaming, mais je pourrais faire exactement le même comparo entre les enfants qui jouent au foot sur la plage et le match de foot sur je ne sais quelle chaîne de télé. Bien sûr. Il est à peu près le même, c'est-à-dire qu'on a placé une couche de règles supplémentaires qui régissent le jeu au sein peut-être d'un système de tournois, de qualifications, de joueurs qui sont payés pour arriver idéalement à gagner, etc. etc. Et ces règles supplémentaires, elles viennent combler un vide qui peut exister sur des questions qui sont habituellement innocentes, mais qui rentrent en jeu. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple de l'e-sport parce qu'on l'a amené dernièrement. Sur le jeu vidéo, j'ai entendu parler de la question côté jeu de combat parce que je connais un peu cette scène-là, mais il pourrait exister exactement la même chose sur du StarCraft, enfin du jeu de stratégie. C'est vrai que j'ai passé les jeux de combat, mais pourtant ça tombait sous le sens, hein, pardon, Eric. Ouais, bref. Et c'était le principe de collusion qui a été amené à l'Evo 2012 ou 13 en premier, c'est-à-dire que des joueurs ont estimé qu'il y avait une entente entre deux adversaires avant de faire un match pour que l'un joue de manière, enfin fasse exprès de perdre, pour dire les choses simplement, afin de laisser passer son adversaire qui quelque part est un partenaire parce que pote et a plus de chances de gagner contre le joueur suivant et donc de remporter le tournoi et la mise et de repartager sûrement la mise avec son pote derrière. Il y a des phénomènes qu'on a déjà vus en sport. Voilà, là, c'est de la triche totale. Et là, c'est de la triche totale, mais j'avais été assez surpris d'entendre ça. On était peut-être un peu naïf, mais dans notre monde de jeux vidéo où l'e-sport commence à pointer le bout du nez depuis un petit bout de temps déjà quand même, ce genre de choses arrive, et arrive en fait assez fatalement et assez logiquement, que ce soit du jeu vidéo ou du jeu habituel, on tombe sur les mêmes travers dès lors qu'il y a l'appât du gain. Et donc si oui, le jeu est une activité productive, alors c'est quoi cette activité productive vient pervertir le jeu. Enfin, moi je pourrais peut-être parler de triche au sens, en tant que joueur, ça nous désole de se dire mais zut, ce qui est fait pour jouer avant c'est tout, c'est plus du jeu. Mais bon, c'est plus une expression, enfin c'est des mots qu'on dit comme ça, puisque au cœur de tout ça, il reste quelque chose qui est une activité ludique. Oui, évidemment. Et puis, globalement, c'est vrai que pour la plupart des joueurs, parce qu'on sait que ça reste quand même des cas un peu à part, les pro-gamers, ça reste quand même une toute petite minorité de la population jouante, appelons-la comme ça. Pour la plupart des joueurs, effectivement, on est encore dans cette activité qui est une espèce de... Moi, j'aime bien l'image de la bulle en soi, où on rentre, où des choses sont extrêmement importantes, extrêmement signifiantes pendant un espace-temps donné, le temps de la partie, et puis finalement, n'ont que peu, voire pas de conséquences une fois que la partie est finie. Il y a des gens qui sont, dit-on, mauvais perdants et pour qui il y a encore des conséquences une fois la partie finie. Mais cette idée de non-conséquence, finalement, au-delà d'être un truc de gauchiste, mais c'est quand même... moi, je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est finalement un fait assez rare dans le monde dans lequel on vit, cette idée d'une compétition qui n'aurait pas de conséquences dans sa propre vie. Même si tous les jeux ne sont pas compétitifs, mais en l'occurrence, je pensais à cela. Alors, qu'est-ce que tu entends par qui n'aurait pas de sens, c'est-à-dire qui n'aurait pas de sens, pas de conséquence. C'est-à-dire qu'une fois la partie finie, avoir perdu ou avoir gagné ne change rien à la relation qu'on entretient les uns avec les autres. On n'a pas gagné d'ascendant parce qu'effectivement, il n'y a pas de productivité. Et en gros, la partie est un monde clos sur elle-même que ne partagent que les joueurs réellement. Alors, est-ce que c'est encore dans le cadre du jeu professionnel là, Ah non, pas du tout. Là, je pensais au jeu en d'accord, pratique okay, ludique. Ce que je me disais, non, pro, justement, au contraire. Il peut y avoir effectivement là des conséquences. Comme je le disais, à la population jouante générale. Mais, oui, bien sûr, le jeu, et ça c'est un des propres du jeu fondamentaux, c'est qu'il permet d'installer une situation où on va faire comme si... on va accepter de jouer la chose. Alors après, effectivement, on peut être mauvais perdant et être grognon pendant un petit temps après le jeu, mais a priori, ça ne va pas changer la face du monde. Et cette notion de cercle magique, elle existe effectivement. C'est le cercle espace-temps de l'imaginaire où on installe un temps de jeu et où chacun accepte que c'est du jeu. Et quand on va... Enfin, on peut... il est autorisé de changer de personnalité, de... dans le jeu de simulation notamment, le fait de se grimer, de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le côté art de la scène et jeu sont parfois pas si éloignés que ça. On accepte de se transformer complètement le temps du jeu et peut-être d'être le dernier des enfoirés pendant une partie de jeu, alors que le reste du temps, on est doux comme un mouton, quoi. En écoutant là tout ce qu'on vient de dire, ça m'a fait penser à, selon moi, une condition qu'on pourrait rajouter pour le jeu, c'est peut-être l'égalité des chances, parce qu'il y a toujours cette... on parlait des progrès gamers, et moi, sur un de mes jeux préférés, je sais pas, n'importe quoi, Super Meat Boy, n'importe quoi, je serais extrêmement énervé d'être face à un progrès gamer, et donc il y a une inégalité des chances qui fait que ce n'est plus un jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Ah oui, c'est complètement vrai. Alors là, tout dépend à nouveau de la manière dont on installe la chose. C'est-à-dire que si on met un joueur chevronné, quel que soit le jeu, hein, que ce soit les échecs, Street Fighter ou le foot, face à un novice, et que le joueur chevronné joue au maximum de son niveau, là, c'est du n'importe quoi et c'est complètement inégal. Mais le jeu permet a priori... Sauf s'il joue à pile ou face, quoi. Voilà, sauf s'il joue à pile ou face. Certains types de jeux, on n'y peut rien, on aura beau être entraîné depuis des lustres, on ne sera pas forcément meilleur que celui en face. C'est là que je trouve un réel intérêt dans le jeu, quand je parlais tout à l'heure du jeu comme source de lien social, c'est que ça peut tout à coup devenir un vrai moyen de communiquer, d'échanger, et peut-être de faire ensemble, parce que on parlera peut-être du jeu comme facteur de motivation pour peut-être effectivement... produire quelque chose ensemble, mais pas au sens de produire un objet tangible, mais produire du sens, produire de la coopération, produire de la motivation. Et là, tout à coup, on peut mettre sur un pied d'égalité tous âges et tous sexes confondus, tout niveau d'expérience, botter en touche au loin les notions de technicité, d'expérience, de maîtrise d'un objet ou de savoir, parce que le jeu installe cette espèce de non-lieu où tout peut arriver pendant un temps. Et ça, c'est aussi une manière, en tant que personne qui manipule du jeu auprès de public régulièrement, c'est comment on joue le rôle de médiateur dans la manière dont on installe un temps de jeu, une partie de jeu auprès d'un public pour favoriser justement ce rapport d'égalité et d'échange plutôt que de rentrer dans un principe de compétition frontale. C'est là où les jeux bac à sable ont un énorme succès. Oui. Bah justement, j'allais reprendre un petit peu sur la même chose. Il me semble que vous donnez ou avez donné en tout cas un certain nombre de formations, notamment avec des étudiants en utilisant Minecraft. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que justement, Minecraft, c'est... Alors, on voit bien que c'est une espèce de Lego numérique, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui définit ces éléments-là comme jeu? Puisque là, pour le coup, c'est réellement l'objet qui définit le jeu, presque autant que la pratique, réellement, ou qu'à plat pour les plus petits, hein, si on veut prendre vraiment à chaque fois cette idée de brique élémentaire. Ouais, c'est effectivement bien plus qu'un... C'est sûrement le meilleur exemple de dire que Minecraft, ce sont des Lego numériques, et c'est généralement la meilleure réponse que je puisse avoir pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu, avec surtout la réponse à « Mais à quoi ça sert Minecraft alors ?» Parce que souvent les gens, le béotien va dire « Mais un jeu vidéo c'est pour tuer les méchants en face, ou faire le meilleur score, ou battre son adversaire. » Et tout à coup Minecraft, il n'est pas question de ça. Oui, il y a un mode solo où il est question de survivre, le mode porte ce nom-là. Néanmoins, ça reste un jeu bac à sable et un des intérêts des usages détournés du jeu, détournés à peine, c'est quand même de construire à plusieurs, en coopératif, des édifices, des mécanismes ou des terrains de jeu, j'ai envie de dire, sans qu'il y ait forcément un début, une fin, un scénario à suivre, on réinvente le scénario. Et ça, c'est le propre du Lego. Quand on me dit ça de Minecraft, je réponds à la personne, mais c'est quoi le but des Lego? Oui, il y a une notice quand vous achetez la boîte, vous faites votre modèle, mais après, ce qui est surtout chouette, c'est de le défaire et de faire un truc nouveau avec la boîte précédente, etc. Et Minecraft, donc, c'est ça, avec effectivement en plus la couche jeu en réseau, donc, oui, du Lego, ça peut être coopératif autour d'un tapis dans une chambre, mais là, tout à coup, Minecraft devient du Lego à 10, 50, 100 personnes. Massivement multijoueur. Ouais. Massivement multijoueur, découpé dans le temps, asynchrone. Je bosse une heure aujourd'hui, cette nuit, il y a peut-être un Japonais qui va venir bosser par-dessus mon boulot, et je vais y revenir et un autre va s'y greffer. Ah, c'est rigolo parce que vous prenez le terme de bosser et de boulot. Ah, ah ouais, je me suis fait avoir. Oui, bah oui, il y a probablement un. Mais je crois que si on allait questionner un enfant sur le jeu, et pour lui, il le considérerait de manière aussi sérieuse qu'un adulte considère son travail. D'une certaine manière, ça devient un but. On a des objectifs à faire. On doit construire quelque chose. Et je dis on doit. Il n'y a pas une règle de jeu qui l'impose, mais c'est le temps et l'espace de jeu qui a installé ça. On est regardé par ses pairs, PIR. Les autres joueurs et du coup on s'investit et du coup on s'investit d'autant plus et ça pose d'ailleurs la question du travail dans le jeu, ce que certains appellent le crafting ou de rusher certaines choses, jusqu'où on peut aller justement dans les mécaniques de jeu, jusqu'où on peut faire travailler le joueur, c'est une vraie question que je me pose. Après c'est peut-être plus un game designer que je devrais demander ça, mais alors dans Minecraft à ma connaissance, enfin, on pourrait discuter du sens du mot travail comme il est évoqué là, mais c'est vrai que le nom du jeu, Minecraft, craft, c'est quand même le côté artisanal, donc on pourrait penser travail, production d'objets. Donc de ce côté-là, oui, il y a un côté, on va dire, laborieux dans Minecraft. Je construis brique après brique, ça prend du temps. Et c'est vrai qu'on peut aisément représenter la notion de travail et d'accomplissement d'un objet par le temps qui est nécessaire pour le faire. Là encore, je crois que là on touche avec le numérique à des questions bien particulières où les notions de temps, de valeur des objets, elles sont reconfigurées, redéfinies. Je vais essayer de ne pas faire une grande ellipse, mais si je dis le mot Bitcoin, tout à coup on donne une valeur à une monnaie numérique parce qu'il a fallu du temps pour la générer. Il y a des machines et du temps serveur derrière. Et pourtant, ça reste de l'immatériel, enfin, d'une certaine manière, mais il y a quand même du matériel qui tourne derrière. Et Minecraft, sensiblement, c'est la même chose. On passe beaucoup de temps à un jeu. Or, on n'en voit pas un objet tangible qui en sort. Donc, ça chamboule un peu les idées autour de la notion de travail. Mais moi, je crois que le travail, au sens, c'est du temps. Elle est juste, cette notion. J'ai passé un temps fou à construire une ville entière dans Minecraft. C'est un sacré boulot. Enfin, c'est une expression, mais oui, c'est ça. Dans une certaine mesure, j'imagine qu'on peut le rapprocher. Je prêche un peu pour ma chapelle, mais on peut le rapprocher du travail d'un meneur de jeu qui va écrire un scénario, j'imagine, pour une partie de jeu de rôle, où à nouveau on est dans. Alors, la préparation du scénario est un travail préparatoire à la partie, mais dans quelle mesure ça fait pas déjà partie du jeu, là où Minecraft effectivement le travail est l'aboutissement, donc c'est probablement pas tout à fait la même chose. Mais le travail est l'aboutissement, mais alors je vais avouer que je suis pas un joueur invétéré. Des vidéos rigolotes sur internet où on voit qu'on a refait tout l'univers de ou le dernier clip de Beyoncé, le dernier clip de Beyoncé, le dernier, la vache, peut-être, impressionné. Ça existe forcément sur internet. Non, mais en revanche, dernièrement je voyais 2080, le Zikos qui faisait, je crois que c'est son deuxième ou troisième live dans Minecraft. D'accord. Minecraft devient un simili Second Life d'une certaine manière. Mais oui, revenons à nos moutons. Sur le temps de préparation du jeu qui devient le jeu lui-même, j'allais dire que j'étais pas un joueur invétéré de Minecraft, mais je constate que il y a quand même des parties qui sont installées, et notamment pour produire à terme une vidéo sur YouTube ou autre, où des crafters vont passer un certain temps à créer le terrain de jeu et le scénario qui va avec. En fait, ils sont en train de construire ni plus ni moins qu'un décor dans lequel deux youtubeurs vont jouer, déambuler, échanger pendant un temps, et le but est d'enregistrer cette partie, essentiellement d'enregistrer cette partie. Mais effectivement, le jeu a commencé dès lors qu'on a commencé à construire la carte et le scénario qui va avec. D'accord, donc effectivement, ouais, on part du principe que le temps de préparation du jeu est déjà du jeu, ce qui donne un statut intéressant au game designer, au demeurant, hein. Qui est un faiseur d'Inception. Non, justement, le génie de Notch est sans doute d'avoir créé un énorme moyen de faire un Inception, faire un jeu dans un jeu, etc. Mm-hmm. Alors, ça, c'est intéressant. J'avais lu sur le blog de Notch, j'étais remonté à des comment. Parce que vous aurez la gentillesse de préciser qui est Notch pour nos auditeurs qui ne savent pas. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Marcus, je ne sais pas comment. Marcus Persson. Persson, qui est donc le créateur de Minecraft. Et donc, sur son blog, où il fait état de l'avancement du développement du jeu et de considérations sur le jeu, lui, il a quand même, pour resituer les choses, créé son jeu en solo, c'est un peu du jeu indé de garage, avec une techno, on pourrait dire minimaliste d'apparence, mais dans le fond très puissante. Ce jeu a, pour info, été racheté il n'y a pas si longtemps que ça, Par Microsoft pour, je vais pas dire de bêtises, c'est 8 milliards je crois, c'est une somme monstrueuse. Bref, et il parlait de choses qui le fascinent lui-même dans le jeu et qu'il ne souhaite pas corriger, des choses qui pourraient être considérées comme des bugs, qu'il ne souhaite pas corriger. Il ne souhaite pas que le jeu passe sous une autre techno que Java, le jeu tourne avec Java. Il y a d'ailleurs un pendant à Minecraft qui s'appelle Minetest, qui tourne avec une autre techno qui existe, mais Minecraft conserve une aura de mystère autour de lui, en raison de son créateur Notch, qui lui-même a constaté que si on déambule, d'ailleurs il y a un youtubeur qui fait des épisodes réguliers de je marche dans Minecraft, je marche vers l'horizon, et comme le monde de Minecraft est auto-génératif, potentiellement à l'infini ou quasi, ça fait des épisodes et des épisodes, des heures, des milliers de kilomètres qu'il marche dans Minecraft en racontant ce qui s'y passe, et en essayant d'atteindre un point que Notch évoquait dans son blog, où le jeu déraille, bug d'une certaine manière, c'est-à-dire que il ne sait plus vraiment à quel point d'éloignement vous êtes à partir du point central d'où vous êtes parti, et des connaisseurs de Minecraft évoqueraient sûrement la chose plus précisément que moi, mais je comparais la chose à un trou noir, c'est-à-dire qu'on arrive à des zones du jeu où c'est un peu comme un trou noir, des failles spatio-temporelles où il se passe des choses pas logiques par rapport au moteur du jeu, et Notch lui-même ne l'expliquait pas mais ne souhaitait pas le corriger non plus. Et apparemment, dans ces zones reculées du jeu Minecraft, on pourrait croiser certains personnages ou entités ou monstres qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc tout ça entretient un mystère autour du jeu. Ouais, là on est carrément dans la mythologie quand même. Dans une légende quasi. Du jeu. Et de manière presque authentique, j'ai envie de dire, parce que si la mythologie, c'est a priori, jusqu'à preuve du contraire, raconter des histoires, créer des fables, des légendes, sur peut-être à partir de faits avérés, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas retrouvé de fossiles de cyclopes ou de... voilà. Sur des mondes numériques comme Minecraft, il peut y avoir vraiment cette dose d'inconnu qui est liée au bug, à l'intelligence artificielle et au fait à l'autogénératif, à une machine qui calcule un monde à partir d'algorithmes. C'est lié aux conditions du jeu, en fait. Ouais, et ça peut créer du bug que là, tout à coup, l'humain ne maîtrise plus. En dehors de l'histoire que l'homme, Notch en l'occurrence, souhaite raconter, la machine génère quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et là, on rentre peut-être véritablement dans le mythe, dans le mystère qui fascine, là en l'occurrence, autant le créateur que les joueurs du jeu. Alors, on est parti un petit peu loin sur Minecraft, mais c'était très intéressant. Je crois qu'on peut ramener ça aux jeux vidéo en général, aux jeux à l'ère du numérique, où le rapport à la machine amène un élément parfois, je ne vais pas dire incontrôlables, mais qui nous échappent. Mmh. Oui, oui, non, mais oui, évidemment. J'allais revenir de toute manière, enfin, j'allais parler de toute manière de jeux vidéo et revenir un petit peu en arrière, mais pas vraiment sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant le fait que le jeu a ce caractère de bulle, de non-conséquences, et en l'occurrence j'allais revenir au Stunfest, c'est-à-dire à quel point je reviens en arrière puisque au Stunfest, pour revenir un peu sur ce festival, si mes informations sont exactes, on paye son entrée et après on peut jouer à plein de jeux sans paiement supplémentaire. Il y a cette idée de proposer des bulles sans conséquences, puisque pour le coup on retrouve beaucoup de jeux qui sont des jeux d'arcade, des jeux qui par nature, par tradition sont payants, où on met la pièce pour avoir droit à son replay, enfin son replay, à son continue, et surtout quand on est nul comme moi, et du coup là on est vraiment dans une autre démarche. Est-ce que c'était l'idée de dire, on va dire aux gens, vous pouvez jouer sans conséquences, vous pouvez jouer sans avoir à vous inquiéter de cette problématique pour le coup monétaire qui est nécessairement, on l'a vu quand on a parlé des pro-gamers, une contrainte et quelque chose qui vient s'imposer dans l'idée du jeu libre? C'est une bonne question et c'est à double, pas double tranchant, mais à double pendant. C'est-à-dire que mettre sa pièce dans le Stunfest, comme si c'était une grosse borne d'arcade, à cette échelle-là, on a quand même la notion de temps. Je mets ma pièce et puis je vais pouvoir rester un jour, deux jours, trois jours et c'est fini. Je ne vais plus pouvoir profiter de ce qui s'y passe. Oui, oui, mais enfin, ces capacités de joueurs ne vont pas limiter le fait qu'on y reste plus ou moins longtemps. Non, non, tout à fait. Ouais, mais c'est, j'allais le rapprocher. Alors, voilà, à l'échelle d'un événement, d'un temps de jeu où on pourrait, enfin, en suivant l'image, là, presque considérer un événement dans son entier comme un jeu dans lequel on rentre et on va s'essayer au sein de ce grand jeu à plusieurs jeux. Alors là, attention, mais ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'allais faire le comparo au principe de la borne d'arcade dans laquelle on mettait une pièce et où notamment un auteur, Mathieu Triclot, dans Philosophie des jeux vidéo, décrit la chose et le fait que l'insertion d'une pièce dans une machine pour jouer. Alors, c'est pas jouer pendant un temps donné, parce qu'en l'occurrence, si on se débrouille très bien, on peut jouer très longtemps. Jusqu'à ce que ça bug. Jusqu'à ce que ça bug, pour certains jeux. Mais en tout cas, le facteur pièce pour avoir le droit de jouer faisait partie de la tension de la partie de jeu, donc du plaisir, de la frustration, parce qu'on peut perdre, et si on perd et qu'on n'a plus de pièces dans sa poche, c'est fichu jusqu'à ce qu'on retrouve une pièce. Et c'est installé une vraie tension qui d'ailleurs a, selon certains historiens du jeu, participé à la première crise du jeu vidéo au début des années 80, à l'époque où l'Atari 2600 est arrivé, notamment parmi les premières consoles de salon plus évoluées que le simple Pong, c'est-à-dire une console avec des cartouches interchangeables, qui tout à coup amenait dans le salon le jeu d'arcade, le jeu de la borne d'arcade qu'on trouvait dans la salle de jeu au coin de la rue ou dans le café, mais tout à coup sans qu'il n'y ait besoin de mettre de pièces dans la console. Et dès lors, bah, en fait, on s'est rendu compte que Pong, Space Invaders et les autres premiers jeux d'arcade perdaient une grande partie de leur intérêt dès lors qu'il n'y avait plus cette tension de nombre de parties limitées. Je peux jouer autant que je veux, bof. C'est même plus si drôle que ça. Et c'est marrant si l'argent là-dedans il intervient pas comme comme bâton. Ouais, c'est la carotte et le bâton. C'est la carotte et le bâton en même temps, ouais. Finalement, on rejoint un peu ici la problématique, une problématique qu'on voulait aborder, qui est la problématique des jeux d'argent, puisque nombre de joueurs de poker notamment ont pu dire que quand on joue de l'argent, c'est pas pareil, même si on n'en joue pas beaucoup. Ouais. De l'argent ou une mise quelconque, je pense que l'argent n'est pas au centre, c'est le gain. Enfin, le gain potentiel à la fin et le fait que plus que ne rien gagner, on peut surtout perdre quelque chose. Sur le jeu d'arcade, c'est un petit poil différent parce qu'on sait précisément quelle est sa mise. Je mettais 5 francs ou 10 francs ou 1 euro maintenant dans la borne. Je sais précisément que si j'arrête, ça s'arrête là. Sur certains autres jeux d'argent, on contrôle peut-être un petit peu moins. Quoique, En fait, non, c'est toujours quelle mise on met dans le jeu. Ouais. Et on sait effectivement pas avec combien on repart, mais on sait que la façon dont on va jouer va nous permettre d'arriver plus ou moins haut dans les high scores. Il se trouve que c'est des high scores rémunérateurs, mais finalement on reste dans l'idée de high score. J'étais meilleur que les autres joueurs parce qu'on est à nouveau dans du jeu dans du jeu plutôt compétitif. Je m'arrête pas pour l'instant sur les machines à sous. Non, mais sur le côté arcade, c'est passionnant parce que par définition, je trouve que le jeu d'arcade en borne est assez suicidaire entre guillemets, puisque en fait c'est tout simplement se confronter à la machine. Or la machine, c'est Triclo le dit très bien, oui, va de plus en plus vite jusqu'au vertige, jusqu'à que ce soit insoutenable. Tout à fait. Les jeux étaient pensés pour accélérer et causer la perte du joueur. Mais là encore, théorie du fun, la perte, mais avec le sentiment que j'aurais pu y arriver, donc je vais remettre une pièce. Et c'était quand même un objet mercantile, quoi. Il était question de remplir le monnayeur. Hein. Outre le fait de procurer du plaisir aux joueurs, il était quand même question de... Il fallait qu'il y en ait suffisamment pour y revenir, quoi. Voilà. Après, c'est quand même... Là encore, on est sur des notions de degré de risque, entre guillemets, où... Alors, je vais utiliser les mots de Kaiwa, mais lui, il va parler de jeu pervers, en fait, dans les degrés de jeu. Mettre 5 francs dans une borne d'arcade, ça va. Mettre 5000 euros sur une table de roulette au casino, c'est déjà un peu plus délicat. Et lui allait bien plus loin dans les formes de perversion autour du jeu, quoi. Et notamment dès lors que l'argent y entrait, mais c'est l'argent, mais ça peut aussi être les questions de violence. La roulette russe. Ouais, tout à fait, voilà. Il existe de nombreux jeux, dans les différentes civilisations, de jeux sciemment violents. On sait que des gens vont se blesser et ça fait partie d'un jeu, malgré tout. Donc si le jeu n'est pas à distinguer du travail, d'une activité productive, comme on a pu le dire, c'est pas pour autant que le jeu ne peut pas avoir des conséquences sérieuses dans certaines de ses formes. Ah, moi, je vais revenir à des thématiques de bisounours. Hein. J'aime bien les jeux coopératifs. Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus? C'est quand même fou, dans un monde de jeux, énormément, finalement, il y a des gens solitaires. On essaye de surpasser la machine. Il y a des jeux en opposition, on essaye de surpasser les autres joueurs. Mais les jeux coopératifs sont quand même un peu la portion congrue. D'autant plus que la plupart des jeux coopératifs consistent à surpasser la machine à plusieurs. Enfin, la machine ou le plateau, si on joue à un jeu coopératif sur plateau, ce qui est quand même assez courant. Le jeu de rôle étant dans des problématiques pas si éloignées que ça, finalement, parce que souvent, on essaye quelque part de battre le scénario, même si c'est pour le coup un système dans lequel les données sont un poil plus complexes, mais effectivement du jeu à la Minecraft, à la Lego, alors il y en a quand même assez peu du jeu où finalement les joueurs apportent quelque chose de créatif et pas de destructeur. Il y en a effectivement peu. Arriver à une conclusion, je pourrais avoir un sentiment et dire que les jeux sont peut-être le reflet de notre société et que... Et oui, et je crois qu'ils l'ont toujours été. Hein. Mmh. Et de voir qu'aujourd'hui, il y a relativement peu de jeux coopératifs, ou parfois ils sont faussement coopératifs, comme c'était dit, soit on s'oppose à la machine, ou bien on est en coopération, mais en fait c'est une équipe contre une autre. Donc, ouais, non, c'est juste de l'équipe, mais on est quand même dans l'opposition. Il y a au final peu de jeux où l'objet, ou ce qui tient le jeu d'ailleurs, et la coopération, c'est-à-dire qu'on peut parfois amener de la coopération dans un jeu qui ne l'était pas initialement, mais un jeu qui ne tient debout que parce que les gens coopèrent. S'ils ne coopèrent plus, alors ça devient, ça n'est plus le jeu tel qu'il était voulu. Il n'y en a effectivement pas tant que ça. D'ailleurs, on en cherche, nous, enfin je dis nous, côté Troïde Combo, moi dans mon boulot, pour essayer de montrer qu'il existe... des formes de ce type. Il y a des jeux, il y a quelques petits jeux indépendants qui existent et qui sont fondamentalement coopératifs. Et on adore les mettre à dispo du public parce que ça chamboule, ça repose la question que j'évoquais tout à l'heure, des gens qui se demandent, mais il y a des points gagnés, il y a un... Non, il y a... Faut tuer des... Non, faut juste que vous arriviez à vous entendre, là, tous les quatre ou tous les cinq ensemble, pour arriver à gagner. Et s'il y en a un qui déraille, vous allez perdre. Coopérer. Alors parfois, ça, on va le faire en changeant les règles du jeu. Je dis on, mais celui qui a su initier ça et qui est connu pour ça, c'est Antonin Fourneau. Dans ses propositions de jeu, c'est un artiste qui sort des Beaux-Arts d'Aix et qui lui a mis en place un concept de fête foraine un peu foutraque, bizarroïde, qui se nomme Eniarov, et dans lequel il est proposé aux participants, et je dis aux participants au sens des créateurs, de créer, générer des jeux, déjà dès lors de la création dans un esprit coopératif. Après, les jeux ne le seront pas forcément, mais en tout cas, pour revenir à Antonin Fourneau, lui, il a initié plusieurs, je vais en citer deux qui sont évidents, un qui s'appelle Egregor 8, Egg comme l'œuf, Egregor 8, qui reprend Pac-Man. C'est un Pac-Man qui tourne sur la NES de chez Nintendo, donc voilà, il n'y a pas de triche, c'est bien Pac-Man, qui joue fondamentalement en solo, avec une manette, on se déplace juste haut, bas, gauche ou droite dans le jeu, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Est-ce qu'il en reste encore? Et lui, il propose d'y jouer à 8, avec 8 manettes, 8 joueurs, et débrouillez-vous les enfants, coordonnez-vous, discutez, tapez-vous dessus s'il le faut, mais entendez-vous à la fin pour tous aller dans la même direction, parce que s'il y en a la moitié qui appuie à gauche et l'autre moitié à droite, vous allez avoir un Pac-Man qui va stagner sur place. Ah, il me semble qu'il y a eu un projet un peu comme ça aussi sur Twitch, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de joueurs. Ouais. On peut le citer juste après. Le deuxième projet d'Antonin, c'est là sur la base de Tetris. Tetris, pour diriger un Tetris, il faut à minima aller à gauche, à droite et faire une rotation sur sa pièce, au moins dans un sens. On va dire aller à gauche, aller à droite, tourner la pièce vers la gauche, tourner la pièce vers la droite et appuyer vers le bas pour accélérer la chute de la pièce. Donc, 5 commandes. Et là, tout à coup, il propose à 5 joueurs d'utiliser chacun, enfin de n'avoir chacun la possibilité que de faire un de ces mouvements, et à plus forte raison ils tiennent en l'occurrence là une éponge dans la main, un peu humide, qui fait contact avec le contrôleur, et les joueurs doivent se toucher entre eux pour jouer. Donc il se passe plusieurs choses, il y a le côté coopératif il va falloir piloter une brique de Tetris à plusieurs, et en plus les gens rentrés dans ce cercle de jeu on est dans une partie de jeu, j'oublie, les gens s'oublient. Et voir une partie de ce jeu, c'est assez génial parce qu'on va trouver parfois 5 inconnus en train de se tripoter, de chercher désespérément une main ou un bout de peau de l'autre côté pour faire contact et aller vers la gauche. Et c'est très drôle de voir comment l'intensité du jeu provoque et de la coopération et en même temps une forme de « je te connais pas mais j'ai plus peur de te prendre par la main, voire de te tenir le bras fermement pour faire avancer le jeu ». Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils font juste après, quand même, parce que à nouveau, on est dans mais ils continuent à jouer à Tetris. Dans l'idée d'espace fermé, en tout cas, de quand ils se rendent compte, voilà, qu'ils ont été des joueurs et potentiellement des joueurs observés et qu'ils ont peut-être dépassé certaines. Enfin, j'imagine que ça, pour le coup, il y a un petit peu de conséquences, l'idée d'avoir dépassé des peurs, des j'ai perdu complètement mes mots. Ouais. Des tabous. Ouais, voilà. Ouais, des tabous. C'est ça. Mais le jeu amène, enfin, on parlait lien social, communication, ça amène ça. Mm. Et c'est assez drôle de voir parfois ce que génère le jeu dans les comportements. Les gens s'oublient. Je crois que c'est un peu le mot. On s'oublie. Enfin, autant dans un jeu de simulation, on va peut-être mettre sciemment un masque, autant en jouant à n'importe quel, à pas mal de types de jeux, effectivement, notamment oui, des jeux non, vidéo. Oui, j'ai des souvenirs on de parties de Time's Up d'ailleurs, où les mimes deviennent un truc assez redoutable. Il y a d'ailleurs des artistes qui ont fait des portraits de joueurs pendant leur partie de jeu, où on voit des visages complètement décomposés, inhabituels, et les joueurs eux-mêmes le voient et disent mais non, je faisais pas cette tête-là, c'est pas possible. Ben si, tu étais ailleurs, là, t'étais dans cette partie de jeu. Et on peut voir des joueurs au sortir d'une partie être... à quoi comparer ça, un peu comme si on sortait d'hypnose, je me reconnecte à la réalité, qu'est-ce qui s'est passé. Ça voudrait dire que le jeu c'est une expérience un peu mystique dans la mesure où on sort de son propre corps pour se projeter dans un autre espace-temps. Pas systématiquement, mais certaines parties de jeu, et j'ai bien dit pas systématiquement, parce que je crois que quel que soit le type de jeu, si et je ne joue pas sur les mots, si l'enjeu est fort, si la partie est intense, on peut se retrouver, j'imagine, à faire une tête incroyable et être hyper concentré sur une partie d'échec, à se couper complètement de l'extérieur et à plus voir le temps passer, etc. Peu importe le jeu, on débraye. Alors justement, on parle de jeux en société. Avec Manuel, on a un débat entre nous, moi, qui est des fois un peu à la limite du troll aussi, il faut bien l'avouer. C'est est-ce que, par exemple, le jeu de séduction est un jeu ? Parce que là, justement, il y a briser les tabous, il y a une sorte de compétition, des fois, en jeu de séduction. Alors... On parle de jeu de séduction, mais je crois que ça pourrait être le jeu de convaincre quelqu'un aussi. Enfin, peut-être que dans le ça dans, marche aussi, ouais, dans, des fois. Ouais, dans le discours ou dans le. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas un jeu au sens de tout ce que l'on a pu évoquer auparavant. On va aller réveiller Roger et lui demander, tiens. Mais. Ça dépend de l'intention du joueur, à nouveau, vraisemblablement, si le jeu se définit par l'intention du joueur, comme vous en parliez tout à l'heure, du coup, j'imagine que là, quelqu'un qui vit une pratique de tel ordre comme du jeu, réellement, on fait par nature un jeu. Bon, après, c'est dommage pour les autres autour. Après, je crois que le sens des mots, des expressions qui sont utilisées est important. Le fait qu'en français, en tout cas, on parle de jeu de séduction, c'est qu'effectivement, il se passe bien quelque chose entre deux personnes qui ont accepté réciproquement, qu'on le veuille ou non, d'être dans un jeu de « hop, je te regarde en coin, je machin, je te sors un petit, je te vanne, et puis juste après, je te sors un truc. » font que le mot jeu est bien employé ici pour une bonne raison, donc peut-être qu'on peut considérer que c'est une forme de jeu, ça a sûrement un sens. Je serais curieux de savoir, c'est souvent intéressant de voir les mots qui sont employés dans une autre langue. Est-ce qu'on parle de Game of Seduction en anglais ? J'en sais rien. Je crois qu'il y a un bouquin sur la séduction qui s'appelait The Game. Ouais. Me semble-t-il, qui a été un gros best-seller, mais alors de là à dire que c'était un bon bouquin, je n'irai pas non plus parier. Je ne me suis pas penché sur la question, mais je pense qu'il y a des choses. Après, ça vaut le coup, probablement, effectivement, d'aller regarder dans beaucoup, beaucoup d'autres langues. Il va falloir qu'on fasse un podcast avec un linguiste. C'est toujours intéressant de se pencher là-dessus, puisque je ne sais plus si c'est Kaiwa ou Triclo dans leur bouquin respectif qui parle de tous les sens qui peuvent être employés pour le mot jeu. Et un des sens, c'est il y a deux choses, le jeu par rapport à des objets. On va parler d'un jeu pour un ensemble d'objets. Il manque peut-être un exemple là. Genre la figurine. Non, un ensemble d'outils. Un jeu d'outils, par exemple, tout à fait. Et on va comprendre que c'est un ensemble d'outils cohérents qui vont ensemble. Bah là, on est directement dans le jeu, en l'occurrence. Mais un ensemble d'objets cohérents qui vont ensemble. Un jeu de clés. Ouais, voilà. Un jeu de clés. Ouais, tout à fait. Alors, j'allais en venir au côté mécanique du jeu, quand on dit que des pièces ont du jeu. D'accord. C'est aussi deux sens intéressants. Et dans cette notion de jeu de séduction, je pense que c'est là que le sens est apporté. C'est un ensemble d'objets, d'entités, en l'occurrence, de personnes, entre lesquelles va s'instaurer une mécanique, donc un jeu de pièces qui... je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, on va pas reprendre avec le Tetris, mais on va arrêter là. Mais je crois que c'est le sens qui est donné d'un ensemble d'objets, d'entités qui communiquent, échangent entre eux et jouent entre elles parce qu'il y a effectivement une notion de compatibilité entre eux. Je trouve ça assez logique, et de dire aussi que le jeu en général, c'est peut-être, je m'avance peut-être un peu, hein, là c'est pas forcément Kaiwa qui l'a dit, moi, je suis assez d'accord. C'est cette logique non, c'est bien, je pense que d'un ensemble d'objets à nous mettre d'accord sur un truc sur lequel on prend le chou depuis quelques semaines. Qui s'ajustent sur un temps et un espace donné, et qui produisent un truc un peu comme une mécanique. Hey, ça tourne rond, c'est... Donc j'avais pas tort, Manu. Probablement pas, mais pas complètement raison non plus. C'est juste un peu plus compliqué que tout ça. Alors j'avais une autre approche du jeu, une autre thématique qui me questionne et qui m'interroge. On y reviendra vraisemblablement dessus dans un prochain podcast de toute manière, parce que pour le coup on touche à des questions qui nous intéressent, Adrien comme moi, à savoir des questions de pédagogie. Le jeu, c'est aussi, et c'est quelque chose qu'on voit ou qu'on montre beaucoup, notamment chez des petits humains, mais chez aussi d'autres petits animaux, d'autres mammifères, une pratique qui permet d'évaluer ses limites, d'évaluer sa capacité à gérer les limites du monde extérieur, que ce soit un monde physique ou un monde de loi, en l'occurrence, quand on va tester sa capacité à maîtriser des règles au point de gagner plus de points que ses adversaires. Est-ce que le jeu, c'est pas aussi une mécanique assez naturelle d'apprentissage ? Alors là, très certainement, oui, si en plus on fait le comparatif avec des formes du vivant. Alors, c'est marrant parce qu'on parle de mammifères et tu vois d'emblée, alors est-ce que le jeu implique qu'il y ait déjà une certaine forme de développement ? Alors, en anthropologie, Kay Wall l'évoque ça puisqu'il était anthropologue. Et il s'intéressait au jeu comme activité humaine. Maintenant, est-ce que du côté du règne animal, on s'est penché sur... Huizinga l'a fait, ouais. Ouais, Huizinga ? Ouais, ouais dans Homo Ludens, justement. Ouais, dans Homo Ludens. Et à partir de quel degré de l'évolution d'animaux on peut estimer qu'il y a du jeu ? Est-ce que des mouches jouent ? Tu vois, on parle de mammifères, mais est-ce que des insectes jouent ? C'est vrai que chez les mammifères, j'imagine qu'on en parle plus facilement parce qu'il y a la notion de portée, de parents qui est présent, qui continue à élever les petits, de modèle. Enfin, il y a tous ces éléments-là qu'on trouve beaucoup moins chez d'autres règnes du vivant. Et voilà. Et en l'occurrence, dans ce qui est dit là, ça répond d'emblée à la question de l'apprentissage de les parents vont tolérer que les jeunes jouent. Parce qu'ils savent qu'ils sont pas vraiment en train de se battre, mais ils sont en train de jouer, et peut-être même que les parents vont jouer avec leur progéniture. On parle d'animaux aussi, bien ça entendu, là. Ça marche aussi avec les êtres humains, assez bien. Voilà, et là, on est encore dans le jeu qui est jeu parce qu'il est toléré en tant que tel, et peut-être qu'à un moment, on va passer le temps de crise où le chahut va se transformer en bagarre, et là, ça devient sérieux, et on est là aussi pour apprendre que ce n'est plus du jeu, et on arrête. D'ailleurs, on voit bien que l'adulte, quand il joue avec le petit, chez l'humain ou chez l'animal, on parlait tout à l'heure de la différence de niveau et de la frustration que ça pouvait générer. On voit bien que ça ne fonctionne que si l'adulte se met au niveau du petit, de l'enfant, de ce point de vue-là, que ce soit le lion qui va mettre des coups de croc mais sans vraiment les mettre, sinon ça pourrait vite avoir des conséquences problématiques, ou de l'adulte qui va jouer à un jeu quelconque, typiquement à chat avec un enfant en bas âge, sans courir à la pleine vitesse dont il dispose, ce qui quand même donnerait assez peu de chance à son gamin de pouvoir marquer quelques points ou être de temps en temps autre chose que le loup. Alors là, c'est presque une question que j'ai envie de vous retourner ou qu'on se pose à plusieurs, parce que on parle du jeu comme moyen d'apprentissage, donc c'est au sens apprendre en se testant par rapport à l'autre. Le jeu, ça peut être apprendre au sens l'un transmet une somme de savoir ou de savoir-faire à l'autre par l'intermédiaire du jeu. Et je crois qu'il y a aussi le jeu, alors que ce soit avec l'autre ou seul, le jeu en termes d'entraînement. Je teste, je m'entraîne, j'ai déjà essayé ça, mais je vais l'essayer de manière un peu plus avancée en jouant. Et voilà, vous parlez un genre de Super Meat Boy en plus, donc il connaît bien ce genre de problème. Ouais, sur du jeu, mais comment tu l'étends à toutes les... Si on parle du jeu comme apprentissage, on est bien en train de se dire qu'on apprend... on apprend à faire des galipettes en jouant, on apprend à grimper aux arbres en jouant d'une certaine manière, en essayant, en se trompant, en recommençant, parce que c'est rigolo de monter un arbre et de se faire un peu peur, etc. Mais tu vois, la question que j'allais reposer, c'est Je sais qu'avec le jeu, on peut toujours étendre la chose au total et finir par le grand « la vie est un jeu ». Oui, ok, c'est très très facile de dire ça. Est-ce que quand je roule un peu plus vite que d'habitude en voiture et je m'amuse à voir comment si ça tient, si j'arrive à prendre mon virage comme ci, comme ça, je suis en train de jouer, je suis en train de m'entraîner, je suis en train d'apprendre. Ouais, mais je suis un peu un vieux con là-dessus. J'aurais tendance à circonscrire de façon la plus ferme possible le domaine du jeu. En l'occurrence, je parlais vraiment de ces petits animaux qui sont, on le voit bien effectivement, dans une représentation d'un acte d'adulte, souvent, mais en testant leurs limites. Mais quelque part, chez le joueur adulte aussi, qui lui-même joue à un jeu typiquement au jeu de Go, par exemple, et qui va tester ses limites en termes de connexion neurale et sa capacité à anticiper des stratégies, ou un joueur d'échecs, mais à nouveau, à tester ses propres limites, qu'elles soient physiques, dans le cas d'un jeu un peu plus sportif, parce qu'on s'y donne quand même, ou ses limites intellectuelles dans le cadre d'un autre jeu. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de ça dans le jeu. Le fait que c'est sans conséquence permet de, par exemple, dans le cas du jeu de Go, tester ses limites intellectuelles, sachant qu'à la fin de la partie, on a perdu la partie, éventuellement, si on n'était pas assez bon, c'est pas grave. Alors que si on fait la même chose, mais en jouant, le terme est malheureux, à la bourse, pour le coup, non seulement on aura perdu à la fin et on se rendra compte qu'on n'était pas assez malin pour être avec des gens plus forts et qui maîtrisent mieux le sujet que nous, mais en plus, on sera considérablement plus pauvre, ce qui change pas mal la donne. On en revient aussi à des questions d'argent, mais il y a vraiment cette idée là je crois. C'est pas la même chose de jouer à se battre avec ses petits copains et d'aller provoquer les gros balèzes au bout de la rue parce qu'on a envie de se battre. Dans un cas, on teste ses limites avec ce petit filet de sécurité qui est le jeu, finalement. Ben oui, complètement, je pourrais pas dire le contraire. Enfin, un adulte en l'occurrence, ou quelqu'un un adulte, non. Un enfant peut être avoir complètement la tête sur les épaules et va mesurer le ratio risque-plaisir avant de rentrer dans un jeu. Il y a des jeux qui sont pas pour les enfants et il y a des jeux qui sont pas pour les adultes non plus, et pourtant ils s'y prêtent. Voilà, si on est à peu près... si ça tourne à peu près rond dans notre tête, avant de rentrer dans un jeu, on mesure le truc, parce que si le jeu de vertige, ça commence avec une galipette, ça finit peut-être avec je fais des acrobaties en moto. C'est une... Enfin, au sens de caillou, il y a des gens qui font une profession. Ouais, ou il y a pas si longtemps que ça, il y en a qui allaient jouer dans des arènes avec des animaux, là. Mmh. Et le jeu valait peut-être quelque chose, hein, j'en sais rien, il y avait de l'argent à gagner, mais c'était... Enfin, il y avait un risque certain. Donc, a priori, on mesure toujours ce risque, et si le champ du jeu est très très large, on peut le restreindre sur ce qui est acceptable dans l'activité humaine, pour dire que c'est effectivement du jeu, que je vais pouvoir y rentrer, j'y rentre toujours librement, mesurant les risques. Et dans le mesurer les risques, c'est est-ce que je suis sûr de pouvoir en sortir facilement et sans trop perdre de plumes au passage. Et justement, enfin, c'est Caillou à la fin de son bouquin, donc les hommes, enfin les jeux et les hommes, qui justement parle dans le jeu vu sous un angle pédagogique, qui disait qu'en fait la limite était le fun, tout bêtement. Enfin, forcément, il le prononce pas comme ça, mais il dit que c'est l'amusement qui est, par exemple, un bébé qui joue avec une pelote de laine et qui voit que c'est drôle, que ça réagit, il s'amuse, alors qu'un adulte s'ennuie. Et donc voilà, tant qu'il y a amusement, ça reste un jeu. Donc effectivement. C'est ça. Ouais. Ben, ça rejoint le cercle magique, à quel moment il se brise, et c'est pas à quel moment on le brise, mais il se brise. Il peut se briser pour mille raisons, parce que je suis trop vieux pour ça et ça m'amuse plus, parce que je me lasse. J'ai essayé une fois, 10 fois, 50 fois, et je touche plus à ce jeu. Et pourtant, le plaisir, il reviendra souvent, c'est-à-dire que, et ça, nous tous en tant que joueurs, on joue un jeu, on se lasse, on le remet dans sa boîte, on le range, et puis 6 mois après, 1 an après, oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une partie 2, on sait ce qui se passe, on sait comment ça fonctionne, on sait qu'on s'en est peut-être lassé un temps, et pourtant on a envie d'y revenir. Donc là encore, le coup de la théorie du fun, est-ce que ça peut se résumer à une formule ? définitivement non, parce que c'est vraiment une convocation de ok, soit un bon jeu avec un gameplay pensé correctement, et ensuite est-ce que tout le monde a envie d'y jouer ce soir-là, à cette heure-là, et pas de faire autre chose, est-ce que depuis combien de temps j'y ai pas joué, et ça à tous les âges de la vie. C'est, on revient encore précisément à la définition du jeu, c'est est-ce qu'on a envie d'y jouer ou pas précisément à ce moment-là. Là où le travail au sens production du terme, c'est tu te lèves le matin et oui, il va falloir que tu ailles bosser, sinon tu auras rien dans ta gamelle ce soir. C'est une définition qui est quand même un peu rapide du travail, je trouve, sans rude. Vouloir relancer le débat, mais c'est quand même une définition... Pour le coup, il se passe autre chose du côté du travail. Ouais, ouais. Oui, genre, heureusement, on va pas faire un podcast sur heureux. Qu'est-ce que c'est que le travail, encore parce que bah, on a décidé qu'on s'appelait ludologie, pas travaillologie. Mais ça nous permet de circonscrire quand même pas mal de choses. Il y a une question qui pourrait peut-être nous éclairer. Alors, je pense qu'elle est absolument horrible, très sincèrement, mais elle est pas loin de plusieurs questions que vous avez soulevées dans le podcast. À quoi ça sert un jeu? Oulais, c'est la dernière question. J'ai combien de temps pour répondre? Ah voilà, c'est un podcast, on fait ce qu'on veut. C'est pas facile, hein, j'en ai bien conscience, mais je me dis que peut-être il y a des choses qui se définissent là-dedans aussi. Alors si je joue la carte de la réponse du Normand. Alors attention, Emmerich Lenné vient de s'enfoncer dans le fauteuil quand même. On sent que là il est parti pour une petite heure d'explication. C'est parce que je suis en train de tomber malade un peu aussi, donc je vais peut-être m'endormir en direct ou en différé. Allez, je fais une réponse de Normand et je prends le contre-pied de si le travail, il y a une notion de productivité et de mettre un truc dans sa gamelle à la fin de la journée. Ouais, admettons. Alors le jeu ne sert à rien. Il D'accord. ne produit rien et il ne... Il... Non, c'est la réponse de Normand. Oui, mais ça, c'est une réponse sociétale. Enfin, sociétale. C'est une réponse... Non, je vais encore parler politique, mais c'est une réponse de capitaliste. Mais concrètement... effectivement, non, mais clairement, mais oui, j'ai fait exprès de te répondre c'est, ça. C'est, tu vois, c'est, enfin, bien je sûr. M'emporte, je tutoie les gens. Mais, ouais. Mais ça doit forcément servir à quelque chose, ne serait-ce que de la... De l'autosatisfaction. On y voit un intérêt. Ouais. Au-delà de ses caractères pédagogiques et autres, il y a du plaisir. Par exemple, générer du plaisir en soi, c'est une bonne raison. Hein. C'est. Comment dire, c'est. Le plaisir qu'on a à jouer, on calcule même pas. Enfin, c'est. On se retrouve souvent à jouer sans avoir forcément prévu qu'on allait le faire. Enfin, je dis à jouer seul. Hein, ça... Enfin, même adulte, on se retrouve parfois dans des situations de jeu qui sont pas si loin que ça du jeu de l'enfant parce qu'on a un objet à tripatouiller dans les mains et qu'on commence à faire une espèce de jonglerie ou à mettre des choses en équilibre parce que peut-être que je déraille complètement, mais même encore adulte, des fois, on s'amuse à sauter d'un pavé à un autre en faisant une fois, on en saute un, puis on en saute deux. Et on fait des espèces de mini-jeux avec notre environnement. On ne mettra pas les vidéos sur le Tumblr. Non, vous ne mettrez pas les vidéos de moi qui marche dans la rue en jonglant d'un pavé à un autre. Mais on se retrouve régulièrement à jouer parce que ça répond à un besoin de se satisfaire et de... c'est le principe de plaisir de notre qui est foncièrement humain, quoi. Qu'est-ce qu'on recherche avant tout si ce n'est être bien, être heureux et oui, se faire plaisir, et le jeu est une des manières d'y répondre en dehors de ce qui se passe après le jeu de séduction et de manger et de répondre à ses besoins vitaux. Et je sais pas si certains auteurs l'ont écrit, peut-être que on pourrait dire que le jeu ou l'activité ludique, si on privait quelqu'un complètement de sa faculté de jouer, je ne sais pas si le mal existe et s'il a pu être défini, mais c'est horrible. Ça me fait penser à cette célèbre phrase, à la phrase « Que demande le peuple ? Du pain et des jeux. Le travail fournit le pain. » C'était pas un type très bien intentionné non plus qui disait ça quand même, Adrien, je me permets de vous le rappeler. Certes, mais n'empêche que et c'est... Et tu vois, là, c'est, en plus, c'est du pain et des jeux, et moi, quand j'entends la chose quantifiée comme ça, je le vois un peu comme du jeu, comme des kilos de patates. Des jeux, je te sers des jeux au sens du game. Et je crois que le jeu dont on parlait avant, c'est du jeu au sens du play. Tu vois, le plaisir qu'on retire du jeu, de l'acte de jouer. Et j'ai pas besoin qu'on me serve des jeux pour jouer. Vous voyez ce que je vois hocher, l'idée de plaisir. Non, mais je pense qu'on va la refaire à d'autres invités parce que elle a l'air assez horrible comme question et j'aurai un plaisir immense à voir les gens se tordre de douleur avant de me répondre. Mais j'ai bien conscience que effectivement à quoi ça sert. Quelque part, on doit tous se poser la question. Alors, il y a peut-être un début de réponse, à mon sens, dans le sous-titre du festival Stunfest. Oui, j'aime bien faire des rappels au début de l'émission, puisque c'est le festival des cultures vidéoludiques. Nous, en l'occurrence, sur ludologie, on va être dans les cultures ludiques au sens large, même si je pense que c'est des questions qui se posent, en tout cas on l'a vu poser dans le cadre de conférences qui ont lieu au Stunfest, puisque on parlait des fois de jeux de société, de jeux de rôle et autres, mais en tout cas, est-ce que finalement on n'est pas dans un élément culturel qui est à peu près aussi inutile que le cinéma, la littérature, l'architecture, à savoir quelque chose qui se rapproche d'une forme artistique, osons les grands mots, ou à minima culturel. Par quel bout prendre la question ? Enfin, on peut citer l'exemple du Stunfest. Si on a fait le choix sur alors c'était notre 10e édition, il y avait le petit côté millésime, voilà, ça fait 10 ans qu'on vieillit notre truc en full chain là, et ou en borne en plastique peut-être. Mais il me semble qu'en plus il y a eu une conférence, peut-être même la conférence d'ouverture, qui posait cette question de le jeu vidéo comme objet culturel. Alors c'était l'année dernière, c'était sur le. Et c'était l'année précédente. Donc c'était sur la 9e édition. La cuvée précédente. Vous chauffiez un petit peu tranquillement. Ouais, c'était avant le millésime où il y avait une conférence d'entrée au Champ Libre en off dans la semaine avant le week-end sur qui posait la question le jeu vidéo comme objet culturel. Et si on l'a mis en sous-titre. À titre personnel et dans les réflexions avant, ça a été évoqué, on aurait pu sous-titrer le Stunfest culture vidéoludique ou enfin voilà, c'est trois mots là, en tout cas jeu, vidéo, culture. Auparavant, on a hésité, on l'a pas fait, il était peut-être encore trop tôt parce que il y a des mots qui sont nouveaux, qui apparaissent, enfin vidéoludique, ça fait pas si longtemps maintenant, ça commence, c'est bon, c'est passé. Les gens utilisent la formule, mais c'était pas si évident que ça il y a quelques temps. Et apposer culture et jeux vidéo côte à côte, ça pouvait être sujet à discussion. On l'a fait pour deux raisons, un peu par provoque, pour secouer le prunier et faire réagir, parce que on peut estimer que un usage quel qu'il soit de humain, dès qu'il existe depuis un certain temps, il devient culturel de fait, parce que ça fait une cinquantaine d'années que le jeu vidéo existe et il va continuer à exister, qu'on le veuille ou non. De par le côté noble ou pas du jeu vidéo, que je prenne la dernière saloperie de jeu vidéo que je télécharge sur l'App Store ou dans un supermarché du coin, jusqu'à un truc super léché, ça rentre dans les usages humains, donc c'est un objet culturel de ce point de vue. Après, au sens noble du terme, oui, certains jeux, et je vais venir après à la notion art-jeu, jeux vidéo, certains jeux vidéo, parce que leur auteur avait vraiment un message à faire passer, a écrit une histoire, a produit quelque chose de sciemment pensé de A à Z, sans penser uniquement à vendre son jeu et à faire en sorte qu'il soit vendu, alors on peut sûrement plus parler pour ce jeu vidéo-là d'un objet culturel qui est plus proche d'un film, d'un livre, d'un album ou toute autre création. Je vais essayer d'aller assez vite parce que ça va faire de longues phrases là, mais après, et ça, ça n'est qu'un que une question... point de vue sur. Donc nous, on assume pleinement le jeu vidéo comme objet culturel en ces sens-là, et en distinguant bien la qualité des choses qu'on dit. En revanche, demain, mettre le festival des arts vidéoludiques, non. Non. Je crois pas. En tout cas, pas au sens de l'œuvre d'art, où je crois que le jeu vidéo, et là je parle vraiment en mes mots, enfin c'est mon avis, le jeu vidéo peut être un médium, un moyen d'expression pour produire une œuvre d'art. Un artiste s'empare à un moment donné du moyen de l'outil jeu vidéo en tant que il y a, pour moi pas forcément un écran, mais en tout cas une machine numérique qui produit une interaction entre la machine, un ou des humains, et tout ce que l'on a pu définir auparavant comme un jeu, un temps de jeu, et pas juste une installation interactive. Ok, alors là, parce qu'il est artiste et parce qu'il a dit que c'est une œuvre d'art. Après, justement, si j'évoquais l'œuvre d'art, c'est parce que Florent Morin, que vous avez peut-être, vous auditeurs, déjà pu entendre sur Radio France et dont on vous reparlera d'ici peu dans l'Udologie, donc restez à l'écoute. Florent Morin, justement, citait dans plusieurs choses qu'on a pu suivre de lui, l'idée que le jeu, en règle générale, le jeu vidéo pour le coup est aussi son médium de prédilection pour l'instant, le jeu pourrait être une forme d'art qui s'appuie sur justement l'interaction, l'interactivité. En gros, que le jeu c'est l'art de l'interactivité. Là où le cinéma c'est l'art du montage et du mouvement, là où la photographie c'est l'art de l'image, là où la musique ou la radio ou le podcast bien évidemment c'est l'art du son, voilà, c'était sur cette idée que le jeu met de l'art dans la relation entre le spectateur et le support, ou entre les différents spectateurs. Ouais, et surtout entre les différents spectateurs. Et ça, alors je rejoins complètement l'avis, et je crois aussi que enfin, que ce soit. Mais pour le coup, ça s'applique aussi bien au dernier Farmville que à des jeux beaucoup plus abstraits ou complexes. Mais ça, je crois que c'est les jeux en général sont des objets inertes s'ils ne sont pas joués. Enfin, on en revient au jeu comme objet, au jeu comme ensemble de règles qui va régir une expérience de jeu. Et pour moi, le jeu dans son plein sens, c'est l'objet dont des personnes s'emparent en utilisant un ensemble de règles. Et là, ok, le jeu est bel et bien en train de se dérouler et il existe pleinement. Si c'est une boîte rangée dans une étagère, c'est une boîte rangée dans une étagère, c'est du papier, des bouts de plastique et des trucs. Mais c'est pas une expérience de jeu. Et pour rejoindre ce qui est dit là, effectivement, comparativement à un film, un livre, un disque, je m'aventure sûrement peut-être un peu loin, je serais curieux d'entendre l'avis d'auteurs qui ont bossé sur la question, sur les rapports cinéma, jeux vidéo, livres, etc. Des livres et des disques devant nous, ils existent bel et bien en tant que livres et disques, qu'on soit en train de les lire ou pas, ils existent, sont les... et là où le jeu, il y a vraiment cette notion d'expérience de jeu où le jeu n'est pleinement observable que lorsqu'il est joué. C'est pour ça que Triclot, justement Mathieu Triclot, dans Philosophie des jeux vidéo, parle de régime d'expérience. Et donc lui, il voit, nous on a parlé du caractère pédagogique, de la fonction pédagogique potentiellement du jeu. On a essayé de chercher la fonction du jeu. Lui, en tout cas, a tendance à voir une fonction, alors, je dirais pas philosophique, mais politique du jeu. À travers ce régime d'expérience. Voilà, c'était juste un point que je voulais préciser. Tu voulais dire quelque chose. Non, point politique, moi je défends, hein. je le dis depuis le début, hein. On a parlé de gauchiste par exemple, il utilise le cas de Pac-Man qui serait selon lui donc une métaphore de la société du mall, enfin ces grandes zones commerciales. Oui, l'activité première était de consommer, donc Pac-Man, qu'est-ce que c'est, ni plus ni moins qu'une tête qui mange à longueur de temps. Qui déambule en consommant. Qui se perd dans les couloirs, enfin bref, jusqu'au vertige. Il a l'air de dire des choses très intéressantes, ce maître Triclot, faudra qu'on aille lui poser quelques questions. Ouais, complètement. Mais c'est le fruit du temps qui a passé, d'un Mathieu Triclot pardon, qui observe, je crois que c'est 2010, son ouvrage, un jeu qui date du début des années 80, Voilà, donc il y a 30, 35 ans, une trentaine d'années de différence pour observer. Qu'est-ce qui se passe dans 100 ans, 200 ans, quand quelqu'un regarde ressort un Pac-Man, l'observe, il sera écoulé 200 ans, il y aura eu X écrit sur la question. Mais si on excave la chose un peu comme un objet, un peu dans un principe d'archéologie, et qu'on essaye d'y donner du sens, de le recontextualiser dans son époque, pourquoi ce jeu-là, cette époque-là, ça deviendra sûrement de plus en plus évident avec le temps de dire « Ah ouais, un Pac-Man, c'était peut-être pas complètement innocent la manière dont les choses sont représentées, etc. » Et donc on imagine que quand plus tard, quand les chercheurs s'intéresseront aux jeux de rôle post-apocalyptiques, ça voudra peut-être dire une société, je sais pas, post-2001, j'en sais rien. Ouais. Et puis il y a toujours la distinction à faire entre ce que l'auteur, je ne connais pas le nom, j'avoue, du créateur de Pac-Man, mais entre ce que l'auteur a voulu dire, ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là, est-ce que inconsciemment il a retranscrit dans le jeu parce qu'il vivait dans une société comme ceci ou comme cela, mais ça c'est le propre de toute création humaine. Est-ce que tout auteur est pleinement conscient de ce qu'il est en train de produire? C'est souvent quelques décennies après qu'on arrive à prendre la pleine mesure de ce qui a été produit. Et carrément mis les deux pieds dans la question de l'art là quand même pour le coup, et puis pas à moitié quoi. C'est vraiment ça. Pour le coup, on se reposera cette question de l'art et de l'interactivité, parce que on sait qu'elle est présente et qu'elle est de plus en plus présente, parce que autant la question se pose du côté des gens qui font du jeu concrètement, mais il me semble qu'elle commence à se poser assez sérieusement du côté des artistes aussi, notamment d'un certain nombre de plasticiens. Je crois que là, il serait très bon d'avoir autour des micros d'autres personnes pour contribuer à la discussion, parce que voilà, moi j'ai mon sentiment, enfin je dis bien sentiment sur la question, et puis un certain nombre de choses que j'ai pu lire ou voir et que je vais redire, je peux pas, aucun de nous en tout cas ne peut avoir le mot de la fin là-dessus. C'est en train de se définir, donc ouais ça mérite en tout cas d'alimenter la question. Ben voilà, on a fait un premier podcast qui nous en donne au moins des sujets pour 5 ou 6 derrière, hein, comme quoi vous allez voir qu'on a de quoi pas s'ennuyer cette année pour la première saison de Ludologie. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon de qu'est-ce que c'est le jeu, d'à quoi ça sert, de qu'est-ce que c'est pas aussi, parce que finalement on l'a un peu défini en creux, mais ça reste une vraie question. Donc un jeu, vous l'aurez compris, c'est avant tout des joueurs, des gens qui ont envie de jouer, comme vous, on espère. Nous en tout cas, on adore ça, on va continuer à jouer, on va continuer à se poser des questions quand on joue, et puis après à la fin de la partie aussi, ça fait partie des conséquences. Et puis ces questions-là, on va essayer de trouver d'autres personnes aussi intéressantes que vous, Aymeric Lenné, pour aller les poser. Merci beaucoup, merci pour vos interventions. Merci en tout cas de m'avoir accueilli. Passionnant. Ouais. Voilà, c'était notre première pour Ludologie. On espère que ça vous a plu. Et donc à très bientôt. Je ne sais plus la date du prochain podcast. Dans 15 jours. Dans 15 jours, voilà. Et donc on se retrouve pour une prochaine émission. Salut. Voilà. Au revoir.